matinda lokola azani maya kosukola veliki tosoboli sukomela mai te mokao mokonzi kwatela mpora obileko biso seko Matsor Matsobonga, Pati Adikaka, Emi Amigo, Motamba. Robert Zichanga, Colonel Gigi Indima. Mino Jeremy Kazan, Mathieu Kamani, Dali Bayaka. Donda Skiala, Mumu Alondra. Paolo Giulio, Sandra di Babuti, Quand on est seul, on va vite, mais quand on est à deux, on va plus loin.